Sans chef mais avec riders qui le sémon nous traverse et nous devenons la vibration. Nous ne crions plus, nous chantons. Nous sommes le cœur des sables.